Sur une route vallonnée, pour faire des économies, il est préférable d'utiliser le régulateur de vitesse, réponse A, le limiteur de vitesse, réponse B.